Radio Deer. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio en ouverture Metallica avec cet album SNM 2, c'est deuxième album symphonique par Metallica et ce classique parmi les classiques From Whom the Bell Tolls dans une très belle rendition orchestrale. Tout ceci pour annoncer le triste décès du père de Lars Ulrich, Tenetman émérite, et puis bien sûr père d'une légende. Il nous quitte au vénérable âge de 95 ans. Voilà, on va passer à Cassidy Paris du bon vieux rock'n'roll maintenant. Et quoi de mieux pour débuter Overdrive ? Vous aurez encore une fois une chouette interview dans quelques instants avec Dust Cause Delusion. Mais il est temps de passer à Rock'n'Roll Hearts tout de suite sur le 895 de Radio Duo. Ok, ça marche. Ou mes blocks, mais peut-être blocks plutôt, non ? Mes ouais, blocks. Ok. Alors, ce soir dans Overdrive, vous avez la chance de retrouver le groupe Dusk of Delusion. J'ai un membre du groupe ici ce soir. Est-ce que tu nous entends toujours très très bien ? Eh ben écoute, parfaitement bien. Bonjour à tous et puis toi, Jean-Gabriel, Martin, c'est ça. Et puis bonjour à tous ceux qui écoutent Overdrive, très content d'être là avec vous. Donc tu es Jean-Gabriel, guitariste et tu effectues également les back vocals dans ce groupe Dusk of Delusion qui existe depuis un petit peu moins d'une dizaine d'années sur la scène française. Vous en êtes là à votre cinquième sortie musicale. Pour ceux qui ne connaissent pas votre projet, vous officiez dans un métal qui se veut à la fois moderne, en même temps assez heavy, mais qui n'oublie pas les mélodies et qui n'a pas peur également des sons clairs. Est-ce que, d'un point de vue, on va dire, de la musique, ça confirme la description que tu te ferais de ton groupe? Oui, tout à fait, exactement. En fait, l'objectif, effectivement, c'est qu'il y a pas mal, il y a quelques membres qui ont effectivement une petite base, un petit peu des années 90, voilà, et ça se ressent un petit peu. Et en même temps, on écoute tous aujourd'hui du métal, voilà, le métal d'après les années 2000, puis le métal moderne. Et effectivement, on essaye de mixer un petit peu tout ça à notre sauce. Et puis là, on a fait aussi le choix, effectivement, sur Corrosis et le dernier EP, d'ajouter à ça beaucoup de sons, effectivement, pour donner ce côté futuriste au concept des deux derniers, voilà, des deux dernières sorties. Alors j'aimerais bien sûr qu'on revienne à l'écoute de Scoved Delusion et des deux dernières sorties. On ressent ici un fort concept autour de Corrosis. Alors ça, j'aimerais bien que tu développes. On est là un peu dans un esprit Skynet, dans un esprit Terminator, de l'intelligence artificielle et des robots. Alors, je ne sais pas si tu es vraiment à l'origine de cette histoire, on pourrait dire, mais est-ce que tu pourrais la développer ? Eh ben écoute, c'est parti effectivement d'une nouvelle écrite par notre chanteur Benoît Guyot, qui effectivement a écrit une petite nouvelle, qui est d'ailleurs, je sais pas si tu as eu l'occasion de la lire sur l'espace qui t'était dédié, mais effectivement c'est en gros, voilà, c'est effectivement exactement ce que tu as dit, c'est le contexte avec une firme russe en fait, hein, qui au démarrage a créé en quelque sorte des soldats, les corollaires, et en fait ces corollaires là finalement vont être utilisés et puis développés en grand nombre pour être utilisé pour un certain nombre de choses qui étaient faites par les êtres humains, que ce soit voilà des métiers que les humains veulent plus faire, Reaper ou des choses comme ça. Et puis au final, voilà, c'est tout. Toutes les chansons représentent finalement une partie de cette réflexion autour de ce thème. Donc après, particulièrement sur l'EP qui est sorti, Toy of Freedom, en fait, les cinq derniers morceaux qui sont sortis, effectivement, traitent un petit peu de pas mal de choses. Alors pour te donner un exemple, on pourrait parler de Bonneville, hein, qui est la première de Toy of Freedom, ou Toy of Your Freedom, excuse-moi, je parle très mal, et qui en fait va effectivement parler de la manière dont on recycle un petit peu les corollaires, c'est tenu secret par la firme, et en fait c'est réutilisé dans les nutriments qui vont permettre de nourrir ces corollaires toujours chez les gens. Et enfin voilà, donc t'as plein de choses, on pourrait évoquer beaucoup de chansons, mais voilà un petit peu pour te planter le décor. Et justement, actuellement, on parle beaucoup de cet aspect intelligence artificielle. J'imagine que vous en nourrissez un petit peu de ce que l'on voit dans l'actualité pour avoir cette vision un petit peu dystopique des choses. Oui, bah effectivement, c'est vrai que c'est très d'actualité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'IA ces dernières années. Donc bon, Benoît Guyot a écrit sa nouvelle, il me semble, pile poil 2021-2022, quelque chose comme ça. Donc c'est oui, effectivement, ça tombe. Bah, c'est vrai que là, à qui plus est cette année, on en parle d'autant plus. Et effectivement, après, j'ai envie de te dire que sur chaque chanson, on a fait justement comme on est très très adepte des concept albums, hein, comme tu as pu le remarquer. À chaque fois, c'est un concept album. Sur chaque chanson, on a cité les références qui ont influencé la chanson. Voilà, tout le monde a brainstormé et en gros chacun a amené un petit peu sa pierre à l'ouvrage en citant, que ce soit ça peut être des livres des années 70, comme ça peut être des films des années 90, comme ça peut être des films qui plus modernes qui sont sortis récemment. À chaque fois, il y a une ou deux influences qui sont citées pour chaque chanson et qui ont permis en fait un petit peu de développer l'esprit de la chanson. Et justement, ces influences-là, est-ce que vous les avez dès le début de la composition, ou alors c'est une fois que le morceau est terminé, qu'on a à la fois la musique et les paroles, et qu'on peut se dire, au final, on peut tisser un lien vers tel film, telle histoire, tel bouquin de Philippe Kadic? C'est un petit peu fait, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, par rapport à l'histoire, il y a le gros de l'histoire qui est dégagé au démarrage avec des chapitres, hein, un petit peu, des chapitrages, et au fur et à mesure, si tu veux, par rapport au thème de la chanson qui a été choisie, c'est-à-dire on va effectivement chercher en quelque sorte les influences qui vont nous plaire par rapport à ce thème-là, et on va composer la chanson pour qu'elle colle un petit peu au texte, voilà. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Ok, et puis j'imagine que les références sont nombreuses sur le sujet. On connaît bien sûr de nombreuses œuvres de science-fiction, des écrivains également comme Philip K. Dick qui ont été amplement utilisés par pas mal de réalisateurs de science-fiction. Et notamment sur le morceau Bone Meal, vous citez Soleil Vert qui est bien sûr un classique, bon, maintenant qui date d'il y a 50 ans, mais qui reste avant tout un classique de la science-fiction. Alors, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, les plus jeunes d'entre nous qui ne connaîtraient pas cette histoire, sur l'histoire de ce film ? Ou alors là, effectivement, là du coup, c'est pas cette influence-là. Je vais te dire tout à fait. Je connais le film. Hein. Effectivement, je l'ai vu, mais il y a très longtemps. Effectivement, mais c'est pas moi qui ai apporté cette influence-là, donc j'aurais du mal à te parler de ce film-là. Mais effectivement, c'est quand même, on voit bien dans ce film, si tu veux, tous ces gens qui sont agglutinés et qui sont à la recherche de ce Soylent Green et qui ne peuvent pas l'obtenir, parce qu'en fait, tu vois effectivement dans ce film que il y a une milice hein, qui empêche les gens d'obtenir ce Soylent Green. Et quel est le secret de ce Soylent Green? Et en fait, tu vois déjà les affrontements qu'il y a entre la population, effectivement, et qui est complètement, bloquée par ce secret qui est tenu secret. Et en fait, les acteurs en fait du film, effectivement, eux vont essayer d'aller en savoir plus et vont effectivement rentrer dans la firme pour essayer de savoir ce qui se passe, pour connaître le secret de Soylent Green, effectivement. Mais après, je t'avoue que je maîtrise pas intégralement le film. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Soylent Green est un film de science-fiction, en fait, dans lequel une société permet l'euthanasie pour les personnes qui voudraient tout simplement mettre fin à leur vie. Et voilà, donc en promettant un petit peu une mort douce et puis agréable sur lequel le patient peut choisir lui-même sa, on va dire, la façon de partir. Et il s'avère que on est dans un futur relativement proche qui est là aussi assez chaud. Je crois que c'est 2020, dans quelque chose comme ça qu'ils avaient. Voilà, mis, je pense. C'était une cinquantaine d'années plus tard, un peu la même distance de temps qu'il y a entre notre période actuelle et puis l'histoire de Corossis également. C'est vrai que on a toujours une cinquantaine d'années dans ces histoires de futurs proches par rapport à notre temps. Et du coup, en fait, il s'avère que les corps des personnes décédées sont ensuite transformés en nourriture ou quelque chose comme ça. Je ne connais plus exactement le détail, mais il y a quelque chose d'assez sordide à ce niveau. Oui, voilà. Donc je pense que c'est pour ça que cette thématique-là a dû être choisie par rapport à Bone Meal, puisque Bone Meal, c'est exactement ça. En fait, on parle de la manière dont le corollaire va être retraité, effectivement, et dont on va aller prendre son enveloppe qui va resservir nos nourritures, effectivement, pour ceux qui sont toujours utilisés et toujours en action. Effectivement, donc c'est exactement ça. Voilà. Mais effectivement, j'y avais pas le détail exact de ça. Je suis désolé. Mais il n'y a pas de souci, Alors, bien entendu, dans le métal, c'est là aussi des groupes qui ont été influents et qui se sont nourris également de tout cet aspect science-fiction. Un groupe qui n'est pas assez cité dans les grosses influences des années 90, ce sera un groupe comme Fear Factory qui avait apporté justement cet aspect dystopique. Alors, vous n'êtes pas aussi extrême que ce qu'ils ont pu être. Néanmoins, on sent d'un point de vue des thématiques qu'il y a des points de connivence. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pourriez vous rapprocher ? Bah écoute, on peut dire que forcément ça fait partie des groupes qu'on a écoutés, enfin qu'une partie d'entre nous ont écouté. Je vais pas te dire que Nathan le batteur qui a 23 ans, ça fait partie de ses influences, mais en tout cas voilà, on est je pense au moins trois dans le groupe à connaître Fear Factory. Effectivement, ça fait partie aussi. C'est vrai que là où t'as raison, c'est qu'ils utilisaient énormément aussi les sons, effectivement, pour donner ce côté futuriste. Effectivement, c'est ce qu'on a fait. Après, je pense que il y aurait beaucoup d'autres exemples à citer, mais oui, ça en fait partie, effectivement. J'ai envie de te répondre que c'est une influence comme une autre, et je pense que ça colle. Et je pense qu'un groupe comme Fear Factory n'est pas assez reconnu. On sait qu'ils ont un peu eu des déboires avec des changements de line-up, des difficultés entre certains membres du groupe, et ça a pu nuire à leur carrière. Parce qu'ils sont pas assez reconnus pour tout ce qu'ils ont pu apporter au métal, hein, des groupes de metalcore, etc., ou alors de deathcore, à mon avis, s'il n'y avait pas eu Fear Factory, ils auraient sonné, à mon sens, très différemment, puisque cet aspect très mécanique, très robotique, ouais, ils l'avaient dès les années 90, où l'aspect de retoucher une batterie de A à Z, d'éditer des parties de grosses caisses, n'était pas encore, dans tous les mœurs, et à la possibilité de n'importe quelle personne qui avait tout simplement un ordinateur portable. Alors, par contre, on va peut-être pas aussi, par rapport au, tu vois, tout justement, tu parles un petit peu de ça, l'aspect mécanique, le son, etc. Nous, on en est, on se rapproche quand même pas de ça pour Fear Factory. Je pense qu'on a beaucoup d'autres groupes en influence, que ça soit on pourrait dire Megadeth à Metallica, en allant jusqu'à maintenant à des groupes comme Bleed From Within ou même un périphérique. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, tout, on écoute vraiment. De toute façon, on écoute les 40 ans, 50 ans de métal et on essaie de faire ressortir ça. Donc c'est vrai qu'on on va pas forcément jusque là, c'est-à-dire à cet aspect un peu mécanique sur la batterie, etc. On peut pas parce que sinon on perdrait aussi ce charme du rock, quoi, hein, du rentre dedans. Mais après, par contre, au niveau des sons, etc. Effectivement, là on joue vraiment cette carte-là, c'est-à-dire d'ajouter des sons, de temps en temps des orchestrations, mais principalement des sons futuristes, quoi, effectivement. Oui. Et ça, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est des choses qui arrivent une fois qu'on vous avez l'ensemble du groupe de base, ou est-ce que vous pouvez partir, par exemple, d'un beat d'électro pour construire une chanson? Ah, je pense qu'au niveau de ce type d'arrangement, soit ils viennent dès le démarrage, c'est-à-dire que quand on est dans la thématique de la chanson, on va tout de suite se dire bah tiens, là au moment où on est en train de chanter cette partie-là, il faudrait qu'il y ait un chant un petit chuchoté par derrière, c'est un petit peu sur le cas sur le bloc, tu vois, et puis du coup on voudra tel son par-dessus. Sinon effectivement ça va se construire au fur et à mesure que la chanson va se développer. Ok, j'imagine que les deux façons de faire peuvent fonctionner, tout dépend ouais, tout à ce fait. Dont a besoin le morceau, et puis tout dépend si justement cet aspect d'orchestration est central dans le rythme et dans la construction et la composition, ou s'il vient s'ajouter. Ensuite, alors, ce que je peux te proposer de faire, c'est de diffuser un premier titre pour ce soir. Ouais, carrément. Avec ouais. Bone Meal, qui est précédé d'une introduction, qui est un peu l'introduction de cette EP 6 titres que vous venez de sortir sur Fantasic. Ce sera Bone Meal, avec un morceau qui est assez rentre-dedans, peut-être celui qui est le plus rentre-dedans, à mon sens, des 5 titres qu'on retrouve sur ce mini-album. Moi, je l'ai trouvé très accrocheur et avec des influences vocales un petit peu à la James Hetfield. Yes, Dusk of Delusion dans Overdrive, Radio Duo. Ce soir, j'ai Jean-Gabriel du groupe qui nous présente le nouvel EP 5 titres du groupe. Ça s'appelle Try Your Freedom. Ça voit le jour sur Fantasique. Si vous aimez, on va dire, la science-fiction, si vous aimez le bon métal, un peu de tous les genres, ça va de, des influences modernes à des choses un peu plus 90s et mélodiques également. Donc on retrouve un melting pot de fusion, de trash également, de métal mélodique. Il y a une certaine influence du heavy metal traditionnel également dans les parties de guitare, les leads de guitare, voilà. Donc est-ce que tu es toujours avec nous? Of course, ouais, pas de souci, je suis là, impeccable. Et puis j'espère que les auditeurs auront apprécié ce titre. Ben, c'est un excellent morceau qui représente, à mon sens, l'esprit un petit peu que vous avez dans le groupe d'une manière générale. Sur d'autres morceaux de ce 5 titres, on retrouve peut-être un peu plus de son clair par moment. Mais là, on a un titre assez rentre-dedans et catchy qui est bien sympa et qui, à mon sens, devrait faire plaisir en live. Donc, est-ce que c'était pour vous important de revenir rapidement avec un 5 titres suite à l'album complet précédent qui était sorti en fin d'année 2022? Oui, écoute, comme on marche par concept, pour revenir un petit peu là-dessus, au niveau de Corrosis, le choix s'est fait, en fait, proposé aux gens, en fait, les gens ont été invités. Et il y a un panel de personnes qui sont venues, de fans de Dusk, et qui ont, en fait, sélectionné les chansons, qui sont justement les disques que tu as sur Corrosis. Et en fait, du coup, généralement, ce qui se passe, c'est que il y avait eu une belle profusion de morceaux à ce moment-là, et donc il y a des chansons qui avaient été mises de côté. Et en fait, voilà, on avait vraiment envie, si tu veux, avant de passer au concept, un prochain album, à un concept suivant, on n'avait pas envie de les laisser sur le carreau, et donc on avait envie de les enregistrer, on avait vraiment envie de les proposer comme une continuité, si tu veux, du premier album Corrosis. Voilà. Et justement, est-ce que avec ce Try Your Freedom, est-ce que vous venez conclure un petit peu le cycle, pardon, de Corrosis? Oui, carrément. Oui, on vient. Oui, effectivement, on va vraiment. Bon, voilà. Hein, comme je disais tout à l'heure, effectivement, chaque chanson va un petit peu plus explorer les tréfonds du monde des corollaires. Et voilà. Et on va après, on passera sur une thématique autre. Et justement, est-ce que vous pensez garder l'aspect science-fiction, ou est-ce que ça pourrait être quelque chose de totalement différent? Écoute, pour l'instant, voilà, forcément, on va pas trop en dire sur le prochain titre, mais en tout cas, on a envie de continuer à explorer ce côté futuriste, ce côté au niveau des sons, tu vois. Voilà, donc comme on a envie de garder un petit peu ce côté-là avec les sons futuristes, on risque peut-être de partir sur quelque chose quand même qui va être de l'ordre là. Parce que j'imagine que on imagine mal garder votre type de musique en parlant de quelque chose de médiéval, par exemple. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Bah, ou alors, faudrait revenir un petit peu comme sur les précédents albums, hein, puisque le deuxième album World at War, je voudrais même parler de Voiture Six, excuse-moi, mais Voiture Six, par exemple, c'était vraiment la thématique sur la guerre. Voilà, où chaque chanson racontait effectivement comment les personnes de toute nationalité avaient pu vivre la deuxième guerre. La première guerre, excuse-moi. Et donc du coup, Voiture Six, il n'y avait pas forcément de, voilà, forcément, on n'avait pas du tout exploré la même chose. Il n'y avait pas ces sons futuristes là. Et comme sur le premier album, qui était un petit peu sur les fêtes foraines du 19e siècle, où. Donc effectivement, les différents albums sont complètement différents. Et on a vraiment utilisé ces sons là que récemment, en fait, hein, que sur les deux derniers. Mais on a envie de rester un petit peu là-dedans, certainement pour ça permet le prochain. De développer une certaine identité, en fait. Ah ouais, donc écoute, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire que ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, effectivement. Si tu as beaucoup apprécié effectivement ce qui a été fait avec Corrosis et Try Your Freedom, c'est plutôt cool, effectivement, parce que comme on va essayer de rester un petit peu là-dedans, si ça t'a beaucoup plu, c'est cool. Vous n'êtes pas les seuls groupes à avoir un côté science-fiction, futuriste, etc. mais c'est quelque chose qui n'est pas, à mon sens, beaucoup exploité à l'heure actuelle, où qu'est-ce qui est à la mode, c'est plutôt le viking, le pagan, etc. Donc ça peut être un moyen, d'une certaine façon, de se démarquer et d'arriver à proposer quelque chose de, peut-être pas novateur, mais au moins un minimum frais et original. Et d'avoir, on va dire, une esthétique qui soit développée et qui puisse vous correspondre. Et en plus, à mon sens, dans le côté science-fiction, on peut développer la science-fiction dans différentes façons. On peut avoir un concept, sur la robotique, mais ça peut être une dystopie qui soit différente, qui soit développée, sur des faits de société que l'on connaît de nos jours. Et puis, malheureusement, on sait que il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour retrouver des idées un peu tordues, malheureusement. Néanmoins, toute cette science-fiction peut être développée sur de différentes façons. Et ça, j'imagine que pour quelqu'un qui aime bien, qui a un esprit un petit peu curieux, ouvert et qui aime bien écrire des histoires, c'est assez intéressant. Oui, carrément, effectivement. Je peux d'ores et déjà te dire qu'effectivement, Ben, le chanteur, ainsi que Julien, se sont déjà un petit peu plongés dans le prochain concept. Et effectivement, ils sont déjà dedans. C'est sûr qu'on essaie toujours d'avoir un petit peu d'avance sur ce qui va se faire après. Et puis, comme tu dis, ça donne toujours envie d'avancer, quoi. Et donc, comment est-ce que vous faites sur scène? Vous n'avez pas de claviériste, vous fonctionnez avec des bandes pour toute cette... C'est du sample. Alors, on avait pensé à un moment donné, effectivement, il y avait une idée de mettre effectivement un clavier où le deuxième guitariste Matt et puis de temps en temps Ben le chanteur se serait un petit peu amusé à faire un petit peu les sons sur ce clavier. Mais bon, après, voilà, au niveau logistique, c'est encore autre chose. On peut pas faire ça partout, on peut pas faire ça sur toutes les scènes. Ça aurait été sympa, mais pour l'instant, on reste sur du sample bien contrôlé par le batteur et au moins ça nous permet de pas nous embêter partout où on va. Et puis oui, de garder quelque chose de propre, jouer au clic et bien construit. Oui, je trouve que c'est une bonne façon de faire. De toute façon, des samples, on en a de plus en plus dans le live. Hein. Je pense que c'est quelque chose que peu de personnes qui ne sont pas vraiment habituées à savoir comment fonctionne un groupe ne s'en rendent pas toujours compte, mais on a quand même souvent, parfois maintenant, il y a eu un petit peu des débats qui sont sortis sur un groupe qui n'avait pas pu jouer parce qu'un ordinateur portable avait lâché avant le concert. C'est dire si certains groupes, se fient à tout ça. Oui, tout à fait. Ouais, alors je t'avoue que nous, je pense qu'effectivement, on a ce côté quand même rock metal dans le sens où, effectivement, c'est indispensable à nos chansons actuelles, là, les dernières chansons qu'on fait en live. Hein. Mais j'ai envie de te dire que si ça arrive, ça arrive. Je pense que on enverrait les chansons quand même. Forcément, t'aurais pas la même. T'as pas la même manière de plonger dans les morceaux. Il faut que ça ajoute quelque chose en plus, si tu veux, mais il faut pas que ce soit l'élément central. Puis il y a une différence entre le fait de mettre des arrangements un petit peu électroniques qui viennent habiller l'ensemble et diffuser, par exemple, une grosse caisse parce que on joue tout simplement quelque chose de presque inhumain, quoi. Mais effectivement, nous, je pense qu'on on enverra les morceaux quoi qu'il se passe, tu vois ce que je veux dire. Et effectivement, c'est quelque chose qui vient apporter à la musique, mais la musique, elle est jouable, elle est là, le morceau, on peut l'envoyer, quoi. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il en est justement du live pour les prochaines dates? Écoute, on sera en concert là le 13 janvier justement au Luxembourg, parce qu'en fait on est ravis actuellement de partager un petit peu la scène avec Holden World Limit. Je sais pas si tu connais Holden World Limit. Non, tu vois, là, tu m'apprends quelque chose. Bon, bah écoute, voilà, donc on va jouer avec eux. Là, ils sont venus nous rejoindre. On a joué sur Nancy, c'était le 2 décembre, si je te dis pas de bêtises. Et puis là, on va jouer avec eux le 13 janvier au Vintage Club au Luxembourg. Normalement, il devait y avoir encore une petite date qui devait se faire sur Metz, mais pour l'instant, c'est encore en pourparlers. Et puis après, normalement, on s'en refait encore deux bonnes dates sur Nancy, normalement, au Nirvana Pub Club le 30 mars et le 8 juin avec d'autres groupes que j'ai pas en tête là. Je m'en excuse, mais voilà, il y a pas mal de petites dates assurées, et puis forcément là c'était un petit peu les moments où il y a pas mal d'inscriptions qui se font à droite à gauche sur pas mal de petits fesses, donc voilà, certainement des petites dates à venir encore sur 2024. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on vous souhaite avec Dusk of Delusion. On a une très belle réalisation et surtout une production qui tient bien la route. Comment est-ce que vous avez procédé? Est-ce que vous avez fait de la même façon que pour l'album précédent, Corrosis, au niveau de l'enregistrement? Ouais, pas tout à fait. Effectivement, pas tout à fait sur Corrosis. Alors moi, je suis arrivé en juillet l'année dernière, donc j'ai pas forcément participé à la production de Corrosis. Mais du coup, je suis le dernier arrivé dans la bande. Mais je crois qu'ils ont bien travaillé avec Flavien Morel du Bandless Studio. Je sais pas si tu connais le Bandless Studio. Ils ont travaillé avec Flavien Morel et du coup normalement, si je te raconte pas de bêtises, il a mixé masterisé et là sur cet EP on a fait le choix, pour tout te dire c'est encore plus autoproduit que tu ne peux l'y penser, parce que c'est Nathan, notre batteur, qui s'est lancé dans le mixage. Et donc c'est lui qui a mixé l'album et on l'a refait masteriser par le Bandless Studio. Voilà, donc effectivement il y a quand même une partie qui est déléguée, mais on fait beaucoup nous-mêmes. Eh ben super, je trouve qu'en tout cas ça sonne bien, et puis on sent que vous avez eu envie d'avoir quelque chose qui sied à votre musique, hein, tout simplement. Alors si on revient d'une façon plus générale sur la thématique de l'IA, qu'est-ce que tu penses de l'IA dans la musique? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que vous pourriez utiliser pour créer un sample ou voilà, des fins artistiques? Ah, écoute, c'est un sujet qui fait beaucoup débat. Je pense que ça va faire beaucoup débat dans beaucoup de secteurs. Moi, par rapport au monde de la musique, ça me fait... J'ai envie de te dire, j'ai pas envie d'être pro ou anti. Je me positionne juste en voilà, mais je vois déjà que ça génère, je crois déjà quelques dégâts, puisque il y a déjà des dégâts sur les scénaristes qui ont fait grève. Je pense qu'au niveau de la musique, ça va certainement poser quelques dégâts sur tous les gens qui font par exemple des doublages ou des choses comme ça. Donc après, bon là, voilà, il y a toujours une question de effectivement c'est magique, hein. Je pense que ça va apporter beaucoup de choses dans beaucoup de métiers, ça va certainement appuyer aussi beaucoup de métiers, mais au niveau de la musique en elle-même, pour l'instant j'ai du mal, je t'avoue, à voir ce que ça va apporter, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné on va finir par arrêter complètement de jouer sur des guitares, tripoter des cordes? Je l'espère pas, moi en tout cas c'est pas ma vision de la musique, mais effectivement je pense que ça va certainement apporter dans la production, dans la composition peut-être aussi, effectivement, peut-être que ça va apporter des choses nouvelles, effectivement. Voilà, si tu as besoin d'un sample, le sample est à la base quelque chose de on va dire de non humain, de d'informatique qui naît tout simplement. Je pense que le sample à la base c'est le fait de copier quelque chose. C'est la nature même de ce mot-là. Donc si on a la chance de pouvoir sampler en quelques clics quelque chose, d'arriver à créer un son, tu vois, t'imagines que tu as un son qui veut faire penser à un klaxon, voilà, bah, tu peux créer, un morceau à base de klaxon en quelques clics. Donc ça peut être sympa. C'est, la phase suivante des instruments virtuels. Et puis les instruments virtuels vont peut-être également se perfectionner grâce à ces nouvelles technologies. Oui, et puis je pense que ce qui va être un peu fou, c'est que effectivement, je prends notre cas avec les deux, c'est que peut-être qu'à un moment donné, on va se dire, bah tiens, au moment où on va avoir le concept, on va réfléchir à une chanson, on va se dire, bah tiens, on mettrait bien telle ambiance, ça se trouve, on va juste avoir à aller sur l'IA, puis à lui dire, écoute, on aimerait bien un mix entre un cri du fond des cavernes et puis quelque chose, enfin tu vois, tu vas pouvoir mixer des tas de choses entre elles avec des sons pour effectivement peut-être créer des choses complètement nouvelles. Donc effectivement c'est certainement ça la prochaine étape, j'imagine. Après le fait d'entendre James Hetfield qui chante du Madonna, comme on le voit sur certaines vidéos qui tournent un petit peu sur les réseaux actuellement, personnellement je trouve que j'en ai un peu rien à foutre. Voilà, après si ça peut faire rire certaines personnes, tant mieux. Moi je préfère quand même passer le live de Seattle en 89 ou San Diego 92. Je trouve que j'ai plus de plaisir en écoutant ça. Et puis un peu plus d'énergie, etc. Donc ce qui veut dire que, à mon sens, ça enlèvera pas la performance de l'artiste, parce que ce soit Van Halen, Hendrix ou je sais pas, n'importe qui ou n'importe quel groupe qui joue avec les tripes, etc. Bah ça, l'ordinateur pourra jamais le recréer de manière aussi viscérale, quoi. Néanmoins, si tu as un outil qui te permet de travailler un peu plus vite, de travailler toi-même et d'arriver à créer des choses qui sont en même temps personnelles, et avec ça, et si tu combines ça avec des éléments plus, entre guillemets, organiques, que ce soit un ampli de guitare, des guitares, des choses comme ça, on peut arriver à avoir des choses sympas. Ouais, tout à fait. Bah moi après ce que je souhaite, parce que là ce que t'es en train de dire, ça me donne des fois une vision. J'espère effectivement que les gens, tu vois là on a des lives, j'ai hâte moi de voir les gens. J'ai envie que les gens y aient des places, qu'ils viennent nous voir jouer, qu'il y ait cette ambiance, cette chaleur humaine et qu'il y ait ce contact et voilà, moi c'est comme ça que je vis le métal depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Voilà, mon premier live c'était à 13, je crois, j'ai vu Maiden, tu vois, et j'ai pas envie de perdre ce charme là. Ça me rendrait fou que les gens restent chez eux, se fassent que des lives sur Netflix et ne fassent que regarder des trucs à la maison ou au cinéma et puis ne sortent plus rencontrer les artistes, tu vois, ou venir les voir jouer, quoi. Et voilà, en tout cas moi j'espère que ça, voilà, qu'on s'enfermera pas dans quelque chose de complètement à la jeu vidéo et que les gens n'iront plus vivre les concerts, tu vois. Les concerts dans le métaverse. Comme ça commence à se mettre en place, pas trop dans le métal, puisque je pense que c'est pas vraiment adapté, mais des artistes comme, Eminem l'ont fait, Kanye West peut-être, je suis pas un grand spécialiste. Néanmoins, ouais, je sais que dans ce milieu-là de la pop... ou même sur... alors, je ne sais pas trop comment c'est possible, mais bon, des concerts se font sur Fortnite, il me semble. Je peux me tromper là également, mais ça me semble un peu bizarre. Je ne suis pas vraiment un spécialiste de la chose, donc je ne sais pas trop comment ça marche. Ou alors on peut parler de Kiss, hein, qui met en place des avatars apparemment pour remplacer et continuer la marque Kiss, hein, puisque je pense qu'il y a quand même un sacré paquet de produits dérivés à vendre et de choses carrément à mettre en place pour eux. Mais bon, là on parle plus d'une marque, d'une entreprise en fait, que d'un groupe de rock, quoi. Même si je respecte énormément Kiss pour leur carrière, tout ce qu'ils ont pu faire, tous les super morceaux qu'ils ont pu composer, etc. Après, est-ce que j'irai voir des avatars ou des hologrammes en concert? Je sais pas. Je t'avouerai je ne me suis pas posé la question. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Est-ce que j'aurais envie de voir ça? Après, c'est un peu comme du cinéma. Oui. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on s'est utilisé à un concert comme celui de Muse où il a son bras, il tripote son pad et ça génère des mouvements de lumière avec des sons, etc. Ça apporte au live, ça apporte quelque chose quand même au live, effectivement. Mais bon, comme tu dis, les avatars, on n'en est pas là. Enfin, j'espère qu'on n'en est pas là pour le moment. Voilà. Bah, ça commence à se mettre en place. Il y avait quoi? Il y avait Ronnie James Dio pour les artistes morts. Ronnie James Dio qui avait fait ça. Deux, trois qui ont fait quelques dates. J'ai l'impression qu'on en parle moins actuellement, donc c'est peut-être tombé un peu aux oubliettes, mais je pense qu'il y a quand même des choses, surtout où les très grandes têtes d'affiche, mine de rien, commencent à être très vieillissantes. Quand on n'aura plus Metallica, quand on n'aura plus Maiden, quand on n'aura plus AC/DC, et que justement des promoteurs vont vouloir surfer sur la vague de très gros succès, et puis même si on dit qu'il faut quand même qu'il y ait un renouvellement dans les grosses têtes d'affiches de festival, est-ce que les nouvelles têtes d'affiches de festival vont pouvoir attirer autant de monde et fédérer autant de monde que ça? Je ne sais pas si un groupe comme Ghost va pouvoir attirer autant de monde qu'un Maiden ou qu'un Metallica, quelle que soit leur qualité musicale. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une chose. Je pense que c'est aussi dû au fait que maintenant la musique soit plus accessible, qu'il y ait un plus grand choix de catalogue qui soit facilement accessible. Donc forcément, les gens ont moins de temps à donner à chaque artiste, tout simplement. Ouais. Bah, tu vois, nous, au niveau de notre sphère et de notre périmètre d'action, j'ai envie là de remercier sur ton émission. J'en profite pour remercier les organisateurs, par exemple, du Jaune Metal Fest. Hein, on y a joué, nous, en juillet l'année dernière. C'était leur première édition. Donc, t'as des mecs comme ça qui décident du jour au lendemain de bâtir un fest. Et puis de le faire sortir de terre. Et ça a été très sympa de leur part parce que c'était un peu un pari quand même, mais ils nous ont pris, nous, comme tête d'affiche. Alors, effectivement, je pense qu'ils avaient prévu un très grand espace par rapport au monde qui était attendu. Voilà, la première édition, forcément, c'était une première édition. T'as jamais le temps de faire d'installer le fest, etc. Ils auront certainement plus de monde cette année, mais en tout cas, moi, je les remercie de nous avoir fait confiance. Et tu vois, on a été jouer chez eux et ça a été super sympa. Et je trouve ça super qu'il y ait des gens qui fassent confiance à des groupes comme nous, voilà, qui sont pas d'un périmètre de groupes comme tu les as cités, sur quand même un festival comme ça, qui était assez costaud, avec une belle soirée, avec au moins 5 ou 6 groupes. Et ils ont vraiment mis la production était au rendez-vous, on a été super bien accueillis. Et voilà, et j'espère que des fêtes comme ça, il y en aura toujours et qu'on pourra aller jouer sur ce genre de choses pour justement que les gens nous rencontrent et nous découvrent. Peut-être que dans les années futures, c'est difficile à dire, puisque là, je pense qu'on est dans un moment charnière post-Covid. Peut-être que dû au coût des transports, etc., on aura plus de petits fêtes et des énormes têtes d'affiches avec des places de concert qui sont quand même de plus en plus chères. Je pense que bientôt, 100 euros pour, non pas un fest, mais une place de concert, ça peut-être être la norme. Hein. Ça commence à faire vite cher. Hein. Je pense que la barre maintenant des 50 euros pour un concert, sur des groupes internationaux, ça commence à être difficile de trouver moins. Ouais, tout à fait. Alors après, le problème de ça, j'ai envie de te dire, bon, venez à nos concerts, parce que vous payerez pas ce prix-là pour venir nous voir et vous passerez un très bon moment. Donc c'est pour ça que voilà, des groupes émergents risquent d'en voir plus, et c'est pour ça qu'il faut les soutenir et voir. C'est cool, parce qu'après le débat, je vais te dire, parce que ça, je pense qu'on pourra en parler encore sur une heure complète sur Overdrive. Mais effectivement, après le débat sur le prix des places, il y a beaucoup de vidéos qui circulent là-dessus. Donc je te laisserai aller regarder, parce qu'il y a un reportage très intéressant qui dure, je crois, une heure d'un monsieur qui explique un petit peu comment est fait l'intégralité du circuit qui fait que tu payes ta place, qui fixe le prix de la place. Et voilà, c'est très compliqué. Voilà, il y a des artistes qui décident de laisser des prix pas trop prohibitifs. Et puis après, t'as le jeu des intermédiaires et des intermédiaires. Et voilà, souvent la personne qui te vend la place, c'est aussi le même qui gère la salle et qui gère la production, etc., etc. Donc c'est un vaste sujet. On va passer à un deuxième morceau pour ce soir. Eh ben ouais, cool. Avec Breaking the Walls, en quoi est-ce qu'il est différent du précédent? De Bonne Mille. Eh ben écoute, alors j'ai envie de te dire que par rapport à sur l'EP, par rapport aux autres titres, c'est quand même celui qui est aussi, c'est un des plus accrocheurs aussi. Hein, c'est quand même le deuxième le plus accrocheur. Breaking the Wall. Donc par contre, pour là, t'es vraiment. T'es vraiment sur les manifestations. Je sais pas si t'as vu, on a sorti une lyrics par rapport à ça qui a été fait par Youssef de Fever, qui en fait on est vraiment sur les manifs quoi. Donc c'est quand même une qui est un peu costaud comme Bonne Mille, où en fait c'est les blocs, hein, c'est la milice de l'entreprise Corrosis en fait qui va taper dans le tas pendant les manifestations des pro-corollaires, qui voudraient justement que les corollaires aient plus de droits et plus de voilà. Et donc non, elle est bien catchy aussi. Donc j'ai envie de te dire que c'est quand même une qui se rapproche pas mal de Bonne Mille. Et ben c'est parti tout de suite. Jetez-vous sur Dusk of Delusion avec à la fois son dernier album complet Corrosis et son tout nouveau EP 5 titres qui s'appelle Try Your Freedom, disponible sur Fantasy. Ouais, sur le Bandcamp aussi. Le Bandcamp et toutes les bonnes crèmeries, qu'elles soient physiques ou numériques. On s'envoie tout de suite le morceau Breaking the Wall. Yes, on remercie encore le groupe Dusk of Delusion. Jetez-vous sur leur dernière réalisation, ça s'appelle Try Your Freedom, et on remercie Jean-Gabriel qui officie aux guitares. Voilà, on continue dans Overdrive avec Amon Amarth qui nous avait sorti cet album The Great Heathen Army il y a de ça un peu plus d'un an, ça doit faire un an et demi, et on retrouve sur ce disque The Saxons and Vikings Kings, qui n'est rien d'autre qu'une rencontre entre Saxon et Amon Amarth. Donc à noter que Joan Egg était déjà paru sur l'album Thunderbolt de Saxon en 2019, et Amon Amarth rend l'appareil à Saxon en invitant Biff Bifford à faire un duo avec Joan Egg, et le guitariste également Paul Quinn a assuré un petit solo de guitare sur le morceau. Une rencontre assez improbable, mais qui fonctionne plutôt bien au final. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Inside, between sections and markings. Et on enchaîne maintenant avec Lord of the Lost et Shock to the System. D'entendre le groupe Lord of the Lost avec son dernier album Weapons of Mass Seduction paru sur Napalm Records et le morceau Shock to the System, une certaine influence des Sisters of Mercy sur ce titre. Il est 22h passé de 42 minutes. On passe tout de suite à Psycho Moore et cet album Anti-Sweet qui sort sur Source Atone. On est là sur quelque chose de lent, de rampant, d'oppressant et de gras. Ce sera Doom Sludge, un gros son, et ce sera le morceau Slurs tout de suite sur Overdrive Radio Duo. I'm beautiful. Yes, Sycamore, tout de suite Slurs avec cet album Anti-Sweet. On continue tout de suite avec l'un des fils spirituels de Soulfly et de Max Cavalera, Ectomorph. On revient avec cet album Velvet Black sur le label AFM Records et le morceau Die. Yeah! Die par Ectomorph, Vivid, extrait de l'album Vivid Black. Une grosse influence, peut-être bien entendu, de Soulfly et de Max Cavalera, mais je citerai également un certain Rob Flynn au niveau des inflexions vocales. Temek tout de suite sur Season of Mist pour une continuité beaucoup plus progressive maintenant avec ce morceau Falling Away. Yes, Systemic, super sympa, ce groupe que je ne connaissais pas. On est proche de la, sur les, on est terres d'un, d'un groupe comme Haken qui joue un progressif, non pas basé sur les solos, mais plutôt sur les ambiances, etc. Ou même d'un Lepros. On continue maintenant avec un album de reprise paru sur le label Nuclear Blast. Ça s'appelle Inspiratio Profanus. C'est en fait le catalogue des reprises qui a été effectué par Dimmu Borgir au long de sa carrière. Donc on retrouve Metal Art, l'excellente reprise de Twisted Sister qui s'appelle Burn in Hell, Nocturnal Fear, et également ce Black Metal de Venom qu'on va diffuser tout de suite dans Overdrive Radio Duo. Black is the night, metal we fight, power of dread to explode. Energy screams, magic and dreams, sage and record is for note. We tame the bell, chaos and hell, metal for meaning. Voilà, Overdrive, c'est terminé pour ce soir. On remercie encore une fois Jean-Gabriel de Dusk of Delusion pour la fantastique interview ce soir. On se dit à la semaine prochaine, peut-être, ou peut-être tout simplement dans deux semaines, pour le best-of de l'année 2023. On se quitte au son de Helga. Pour les amateurs de groupes comme Mercure, de folk assez éthéré, ce sera le morceau Burden. On rappelle le www.radioduo.org. On rappelle également le www.facebook.com/overdrive-radioduo, la page Instagram de l'émission, les podcasts hébergés sur la plateforme Mixcloud. Bref, que du bon. À la semaine prochaine, passez de bonnes fêtes et surtout, écoutez plein de musique. Ciao, ciao, ciao. Never thought I